je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ludologie. On se retrouve encore pour cette quinzaine avec une diffusion en avant-première, disons, d'un des enregistrements que nous avons pu réaliser au cours du Stunfest 14e édition qui s'est tenu fin mai 2018. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre de la développeuse du dimanche, Laura Guildou, ainsi que de son collègue pour qu'elle nous parle de son projet de jeu Propaganda, l'occasion de découvrir un petit peu de l'intérieur. Comment un projet de jeu vidéo naît, se construit, se déploie, notamment dans le cadre du jeu vidéo indépendant. Bonne écoute. Aujourd'hui, là, on va pouvoir discuter avec Laura Guildou et Samuel Perrottet autour du jeu Propaganda. Donc, Laura, en fait, tu as commencé ce jeu toute seule et tu tiens une chaîne YouTube que tu alimentes d'un journal de bord. Ouais. Tes vidéos sont super pédagogiques, avec une touche d'humour, des aspirateurs. Voilà. Samuel, t'as rejoint voilà l'aventure en cours de route, au début comme une sorte d'aide provisionnelle citée de temps en temps, puis plus officiellement, je pourrais dire ça. Je vais commencer par une question sur le début. Comment ça s'est fait, en fait, tous les deux, avant même Propaganda en tant que tel, qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans le jeu vidéo, en fait ? Alors, moi, ce qui m'a amené à travailler dans le jeu vidéo, je pense que c'est comme plein de gens qui bossent dans le jeu vidéo, c'est tout simplement que j'y jouais énormément. Quand j'étais gamine, voilà, j'adorais jouer aux jeux vidéo, et quand vient le moment de devoir se demander ce qu'on veut faire plus tard, j'avais pas beaucoup d'idées. Autre que me dire, quand même, j'aime bien les jeux vidéo, j'aimerais bien en faire, mais j'avais pas encore ce savoir que c'était un vrai métier, que c'était quelque chose où on pouvait faire des études, ça s'apprenait. Pour moi, c'était un petit peu un truc de... Des fois, il y a des génies comme ça, quelque part, et ils sont sur un ordinateur et ils font un truc. Donc, et en grandissant, j'ai fini par voir qu'il existait des écoles. Et en tombant dessus, je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, faire un jeu vidéo, c'est pas juste... faire un jeu vidéo comme ça, c'est que c'est segmenté en plein de métiers. Et en regardant tous les métiers différents qui existaient, je me suis dit que le game design, c'était ce qui se rapprochait le plus de ce que moi je voulais. Et après, finalement, j'ai suivi un parcours assez classique. J'ai fait mon bac, je suis rentrée dans une école de jeux vidéo après, où j'ai fait mes 3 années, j'ai eu mon diplôme. Et quelques mois après mon diplôme, j'ai travaillé dans un studio en tant que game designer. Puis voilà, c'est à peu près comme ça que je suis arrivée moi dans le milieu du jeu vidéo en général, mais pas encore pour Propaganda. Toi, Sam. Bonjour. Alors moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait une école de commerce dont j'avais pas du tout, commencé à travailler dans le développement ou quoi que ce soit. Et j'ai eu un peu de mal à trouver ma voie, on va dire. Et en école de commerce, la perspective d'aller bosser dans un cabinet de conseil ou d'être trader comme je voulais quand j'étais petit, ça m'a vite barbé en fait. En vrai, je me suis rendu compte que c'était horrible, quoi. Et donc j'ai voulu travailler dans le secteur du jeu vidéo, mais à ce moment-là, je savais pas encore quel métier faire. Donc j'ai fait des stages en marketing, en contrôle de gestion, à chaque fois des trucs différents, mais dans le jeu vidéo. Et finalement, là, l'idée de travailler sur un jeu, en fait, je me suis rendu compte que c'était plus de la création qui m'intéressait, donc c'était parfait. Et je pense même que je vais reprendre un an d'études bientôt pour compléter ça avec un petit peu de compétences de chef de projet, tout ça. Donc voilà. Et du coup, la Propaganda, comment l'idée est venue en fait de faire un jeu en indépendant, de lancer aussi la chaîne YouTube à côté, parce que j'ai l'impression, en tout cas juste en tant que spectatrice YouTube, que les deux sont vraiment liés en fait. D'où ça s'est venu? Alors en fait, Propaganda en premier a une histoire un peu spéciale, c'est que c'était un projet qui existait, dont on avait parlé avec Samuel avant même, je crois, que je travaille dans le studio dans lequel j'étais. Finalement, c'était une idée que Samuel avait eue. Il aimait bien l'esthétique, Propagande. Il y avait toute une réflexion sur le fait de pouvoir un peu tromper le joueur. Il y avait cette idée qui était là. Puis ça a été renforcé plus tard quand moi j'ai commencé à me politiser un peu plus, que je me suis rendu compte que la propagande en fait ça existait toujours et que dans les conflits, la manière dont on peut traiter l'information, on peut nous vendre une image un peu biaisée et nous faire passer des gens pour des méchants absolus et nous les ultra gentils, alors que finalement c'est plus compliqué que ça. Donc il y avait cette idée qui traînait dans un coin. Mais voilà, on s'est pas forcément penché dessus. Après, moi, quand j'étais dans mon studio plus tard, en tant que game designer, en fait, j'ai fini par m'ennuyer énormément à mon poste, puisque c'était vraiment différent de ce qu'on m'avait entre guillemets vendu à l'école, où on avait finalement carte blanche, on faisait les projets qu'on voulait, et on nous disait un peu, ouais, en tant que game designer, vous êtes des vrais artistes, vous avez une vision, tout le monde vous écoute tout le temps. C'est faux. Dans une boîte, c'est faux. À moins d'être vraiment lead ou d'être David Cage, je sais rien, mais voilà. Ce qui fait que quand j'étais à mon travail, il y avait une grosse différence entre mes attentes et ce que je faisais, qui me déprimait énormément. Et finalement, j'ai cherché une porte de sortie. Je voulais sortir de cette condition qui ne me convenait pas. Et à ce moment-là, je regardais beaucoup YouTube à mon travail, puisque je m'ennuyais. Et il y a eu toute la période, les internets, elles font YouTube, c'était à peu près à cette période-là. Et elles disaient, hey, mais les filles, en fait, pourquoi on vous voit pas assez sur YouTube dans d'autres domaines que le lifestyle et la beauté? Et je fais, oui, ça c'est vrai, pourquoi? Et moi, j'aime bien la vidéo, j'ai toujours bidouillé un peu de vidéo, et je me suis dit, ça pourrait être l'occasion de me lancer sur YouTube. Mais bon, me lancer sur YouTube juste pour être sur YouTube, faudrait que j'ai quelque chose à apporter. Et finalement, Propaganda est remontée. Et je me suis dit, mais en fait, je connais pas de format vidéo, de développement de jeux indé ou vraiment en forme journal de bord. Enfin, j'aurais bien aimé voir ça. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça. Donc, j'ai commencé à bosser dessus toute seule au départ, sur la chaîne et sur le jeu. Mais très vite, je me suis rendu compte que ça devenait compliqué de tout gérer, la chaîne, le fait de faire à la fois game design, graphisme, programmation. Et c'est là que finalement, Sam, t'as commencé à t'intéresser au projet. Si tu veux raconter comment t'es arrivé dessus. Oui, bah j'ai senti que à vouloir essayer de tout faire, et comme tu partais d'assez loin en code, t'avais pas vraiment de facilité en code, on va dire. Et du coup, moi, juste, je t'observais un peu développer, et comme elle utilise Construct, qui est très, très, qui est, comment dire, très accessible, rien qu'en regardant par-dessus son épaule, je comprenais ce qu'elle faisait, et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, je peux peut-être quand même m'y mettre et la décharger de ça. Et comme j'avais fait un peu de, c'était du Turbo Pascal, on avait fait en prépa. Enfin, je savais que, en gros, le code, la logique de code, ça me faisait pas peur du tout, quoi. Et finalement, en s'y mettant, j'ai vite dépassé son niveau et j'ai repris le relais. Et finalement, c'est moi maintenant qui m'occupe du code. Et comme ça, elle peut travailler sur d'autres choses et le projet avance beaucoup plus vite, quoi. Sinon, là, ça aurait été très, très, très, très long. Et du coup, sur le jeu en lui-même, donc Propaganda, vous avez une esthétique qui est très bloc de l'Est, si je puis dire. Les thématiques abordées, c'est quand même très engagé, hein. On y voit des questionnements autour de la guerre, de la violence, donc, et de la propagande, parce qu'il tire son nom de là. Pourquoi ces sujets-là, en fait? Pourquoi ces sujets aussi engagés et ce choix de point de vue sur ces thématiques? Moi, je crois que, enfin, donc, à la base, à l'origine, c'était moi qui avais eu l'idée du pitch. Et je crois que j'étais parti du côté esthétique, en fait. D'abord, je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qui a pas été fait? Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut raisonner. Mais finalement, je me suis dit, ah, un côté esthétique propagande. Alors maintenant, il y a eu un peu Papers, Please qui ressemble quand même. Donc je suis parti de là et j'ai essayé de raisonner qu'est-ce que je peux faire comme histoire sympa. J'ai trouvé des twists et puis voilà. Et finalement, ça s'est mué en critique de la guerre aveugle. Alors pour pas... sans trop spoiler, ça tu l'as pas mentionné dans les vidéos, mais il y a beaucoup d'inspiration de 1984 en fait. Et en fait, on essaie même de se positionner comme préquel non officiel à 1984, donc 1983 si vous voulez. en gros, si vous prenez les mauvaises décisions à la fin, vous amenez 1984 à se produire. Et enfin voilà, c'est un peu l'idée. Spoil. Non, mais bon, la première fois, normalement, vous ne devriez pas y arriver. Enfin, ce sera la catastrophe. On va tout faire pour que vous ayez la mauvaise fin d'abord. Donc, c'est vrai que voilà, il y avait ce postulat de départ. Et au moment où on a commencé vraiment à développer le jeu, je trouvais qu'on était dans un contexte assez tendu en France où vraiment, moi, il y avait des discours qui ne me plaisaient pas du tout. Et je me suis dit, autant utiliser le jeu vidéo pour s'exprimer, transmettre des messages, montrer que ce qu'on essaye de nous montrer n'est pas forcément vrai, qu'il faut faire l'effort de réfléchir, de chercher, que finalement, c'est des êtres humains qui interagissent avec d'autres êtres humains, et voilà, essayer de pousser cette réflexion-là. Et tu en parlais tout à l'heure, il y a une réflexion sur la guerre, mais aussi sur... le militarisme en lui-même, sur le fait de est-ce qu'on doit absolument tout le temps obéir aux ordres parce que ce sont des ordres, quelle est notre part de jugement aussi là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu, et voilà, la question de résister, de déserter, c'est des choses qui m'intéressaient. Donc on fait un petit méli-mélo de tout ça dans Propaganda. En fait, c'est un peu une critique de Manuel Valls qui disait qu'il ne fallait absolument pas chercher à comprendre l'ennemi, que c'était être un traître, rien que d'y réfléchir. Donc c'est aussi un peu ça. J'avais justement cette phrase en tête, donc c'est comme toi, c'est bien. J'étais en train de calculer, parce que ça, c'était 2015-2016. Oui, 2015-2016. Un truc dans le genre. C'est vraiment cette période-là, quoi. Ouais. C'est assez pertinent. Il y a un autre point, moi, qui m'a... Alors, c'est à travers les vidéos, hein, j'avoue, je n'ai pas encore testé le jeu en lui-même. C'est pas grave. Mais j'en vais avoir l'occasion. Il y a une représentation qui est vraiment axée sur une forte inclusivité, je trouve. Et non, je trouve, non, parce que tu le dis toi-même. Pourquoi ce choix, également ? Tout simplement parce que... Pourquoi pas, en fait. Je veux dire, on joue à tellement de jeux où finalement les gens qui partent à la guerre, ça va être tout le temps des représentations très stéréotypées du mec blanc bourrin, pas trop vieux, tout ça. Et je me suis dit, je suis dans un monde fictif. C'est pas grave si je veux pas respecter exactement toutes les statistiques de couleur de peau, de genre. J'ai voulu être assez vaste, tout simplement pour contribuer à représenter autre chose. Parce que je trouve que ça manque de représentation variée à mon goût. Donc plutôt que d'aller taper tout le temps sur des studios pour leur dire « c'est pas très représentatif parce que de toute façon, ils s'en foutent », autant faire des jeux que moi, je vais apprécier parce qu'il y a cette volonté d'être inclusif. Et puis je me suis dit plus les gens arriveront à se reconnaître en plus, plus le message sera fort potentiellement. Donc ça a toujours été à la base du projet. J'ai toujours voulu cette inclusivité-là. Ouais. Ça, c'est vraiment ton... Ouais, c'est mon truc. Je ne vais pas avoir beaucoup d'autres questions parce que je sais que vous voulez interagir, montrer le jeu. J'aurais juste un petit point. Là, c'est pour revenir par rapport à YouTube. Tu as cité les internets, c'est bien, parce qu'en fait, je voulais poser une question là-dessus, savoir si tu connaissais, si tu y participais. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit... Alors, je ne sais pas comment on va dire, ce n'est pas une association. C'est c'est un collectif. Qui cherche à soutenir les femmes vidéastes sur YouTube, que ce soit en leur donnant un soutien de formation, d'aide, de pousser, ne serait-ce que de la visibilité. Même si la visibilité ne paye pas le loyer, ça fait du bien sur YouTube. Là, je sais de sources sûres que les Pouces d'Or 2018 est en cours d'organisation. Est-ce que tu penses, tu voudrais y concourir ? J'ai participé l'année dernière. j'ai pas gagné, scandale, je veux dire, n'importe quoi. Mais ça, je ne comprends pas. Mais ouais, carrément, moi si je peux retenter ma chance. En plus, ce qui est bien avec les pouces d'or, c'est que ça force un peu à faire un petit format différent pour. Parce que là, finalement, j'ai un format de journal de bord, mais j'ai aussi un autre format qui s'appelle Pourquoi c'est cool, dans lequel j'essaye d'apporter un regard positif sur quelque chose qui est relativement vu de manière négative ou en tout cas qui est fortement critiqué dans le jeu vidéo. Donc ça pourrait être l'occasion d'en faire une nouvelle vidéo de ce genre. Bon bah soyez à l'affût quand sur Twitter vous verrez pouce d'or, cherchez sa vidéo pour aller voter pour elle. Oh, oui, s'il vous plaît. Donc pardon. Alors on va vous donner du coup le micro et ça va être l'occasion de lancer les questions du public. Merci. C'était juste pour cette histoire de pouce d'or, il faut forcément faire une nouvelle vidéo. C'est mieux, je pense, parce qu'il faut que ça soit sorti dans le même mois que le concours, ah mais oui, okay. Parce que... comme mon truc, c'est une histoire. Si je leur balance l'épisode numéro 25... Voilà. Je pensais plus à Raconte-moi ta vidéo ludique, où c'était quelque chose d'assez différent et c'était pas mal apprécié, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que c'est un format qui a pas mal marché. Pour ceux qui savent peut-être pas, effectivement, j'ai fait un format un peu plus audio, plus d'interview, qui s'appelle Raconte-moi ta vidéo ludique, dans lequel j'ai envie d'interviewer des gens sur leur rapport aux jeux vidéo, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et le premier épisode, j'ai interviewé mes parents. Et il y a beaucoup d'entre vous qui ont apprécié, donc merci beaucoup. Et ouais, j'aimerais en faire d'autres. Ça pourrait être un format intéressant aussi pour les pouces d'or. Ouais. Bonjour, alors merci beaucoup pour ces petites anecdotes de début de propaganda. Donc j'ouvre le feu un peu parce que donc je me présente, moi c'est Franz, je fais partie d'un collectif qui s'appelle la Gaia Team et on essaye voilà, entre amis de faire aussi un jeu indépendant. Donc on découvre les affres bien sûr de ce que c'est en fait déjà le travail que ça demande et surtout des multiples compétences. Et j'ai une question à ce propos. Alors nous on est trois. Et on doit tout faire quoi. Donc je me demandais est-ce que il vaut mieux essayer d'apprendre en fait au fur et à mesure à trois ou est-ce que on devrait chercher à l'extérieur peut-être des compétences qui pourraient nous aider à avancer un peu plus, à nous motiver aussi parce que c'est aussi la question de la motivation. En fait, je pense que ça dépend de l'ampleur de ton projet. Si tu as envie d'être avec des gens proches, mais avec qui vous n'êtes pas forcément expert, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez faire plein de game jam pour vous former sur des jeux peut-être plus en 2D. Pour commencer, c'est plus simple, surtout si on n'a pas forcément de modélisateur 3D dans la team, parce que ça demande énormément de techniques pour l'animation, le skinning et compagnie. Donc je pense de toute façon que l'apprentissage du jeu vidéo, c'est très empirique. Si vous avez envie de garder votre petit groupe, c'est possible, mais faites plein de protos et des petits trucs surtout. C'est ça, c'est si vous n'avez pas le temps et vous sentez que la motivation elle s'étiole au fil du temps, faites des petits jeux. Dites-vous, ah, on va faire un truc très gameplay, comme dans une jam, vraiment, ça va être allez, 10 minutes de jeu pour vous former. Et puis, si vous sentez que vous avez le temps et les moyens et que vous voulez faire quelque chose d'un peu plus gros, ouais, n'hésitez pas à aller affiner votre équipe avec des experts dans chaque domaine. Après, si vous arrivez à vous organiser, à mettre en place des sessions de groupe et à vous régulariser dans votre travail, c'est possible. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Mais juste pour revenir sur le nombre de personnes, trois, en théorie, enfin, si c'est pas un projet trop énorme, vous devriez couvrir la plupart des métiers nécessaires, peut-être pas la musique, il faut peut-être externaliser, mais si vous avez quelqu'un qui code, enfin qui fait le développement, quelqu'un qui fait les graphismes et quelqu'un qui fait le game design, level design, le gros est couvert. Nous, justement, on est deux, parfois on se dit qu'il manque une troisième personne, surtout qu'il faut le fait de faire des vidéos, d'espacer, d'intercaler une vidéo toutes les trois semaines, un mois. Mine de rien, ça casse un peu parce que Lola s'occupe des graphismes et du level design et des vidéos, donc c'est obligé de ça casse un peu son travail et ça nous empêche d'aller aussi vite qu'on voudrait. Mais trois, en théorie, vous avez un bon nombre. Après, je sais pas quelles sont exactement vos compétences respectives, mais voilà. Alors moi, je suis ergonome, donc en fait, ce que j'apporte au groupe, en fait, c'est une lecture un petit peu de ce que peuvent nous dire en fait notre entourage. Je vais donner un petit peu de méthode dans la façon dont on va avancer dans la conception. Donc c'est l'ergonomie de conception. Hein, donc c'est ce côté-là que j'apporte. Après, j'ai un peu lu sur le game design. Donc je teste un petit peu ce qu'il est possible de faire. Il y a Chapi, donc lui, qui est plus graphiste. Donc, il est en étude en ce moment. Donc il touche un petit peu de la 3D et puis voilà, il dessine. Il connaît bien les logiciels, etc. Pour faire des sprites, etc. Donc c'est pas mal. Et on a une troisième personne qui est un peu plus tournée musique en fait. Donc il connaît pas trop encore les logiciels de création de musique, mais voilà, c'est en fait ça va être vraiment un parcours d'apprentissage en fait pour nous trois. Parce que aucun s'occupe. Voilà. Aucun n'a l'air d'être codeur du coup. Il y a aucun de nous qui est codeur. D'accord. Donc on apprend au fur et à mesure la logique du code. On commence à bien la comprendre. On a commencé sur Game Maker. Et voilà, en voyant d'autres choses comme le Lua ou Construct, on a vu qu'on avait, saisi au moins la logique et qu'il nous manque maintenant le vocabulaire. Donc je sais pas si... en fait, il y a plusieurs conseils divergents, je trouve. Parfois, on nous demande vraiment de nous spécialiser. C'est un petit peu ce que vous avez fait en disant, voilà, moi je m'occupe du code, moi je m'occupe du game design, etc. Et d'autres personnes nous disent qu'il faut impliquer tout le monde un petit peu dans tout. Par exemple, dans tout ce qui est narration, dans tout ce qui est... et faire en sorte qu'il y ait des dialogues et qu'il n'y ait pas de silos, en fait. J'ai peut-être donné l'impression qu'on était ultra spécialisés, mais dans les faits, c'est juste que moi, je m'occupe vraiment plus du code, Lola, plus du game design, mais on est quand même multicasquette. Je me suis occupé du scénario, j'ai fait quelques level design quand Lola n'avait pas le temps, quelques boss, puis Lola fait plein de trucs, donc... Après, je pense aussi qu'il faut faire attention à la cohérence de votre truc. C'est-à-dire que la narration, vaut mieux que ça soit une personne qui s'en occupe bien et les autres après qui font des retours pour peut-être des modifications. Sinon, vous n'allez pas être capable de vous mettre d'accord. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Surtout si vous êtes trois. Voilà. Donc, pour le code, je pense que c'est essentiel que ça soit une personne qui s'en charge. Sinon, ça va partir pareil dans tous les sens et tout. Donc, la spécialisation, c'est pas forcément un mal. Faut juste vous dire, vous avez une capacité par personne qui est un peu plus accrue, peut-être. Voilà, toi, si c'est l'ergonomie, game design, c'est cool. Si quelqu'un d'autre, c'est le graphisme, c'est cool. Mais il faut faire attention avec le côté tout le monde arrive à choisir ensemble. C'est rarement, ça se passe rarement bien, je trouve. Merci beaucoup. Bonjour. Merci pour votre retour d'expérience, c'est très intéressant. Voilà. Alors moi, en fait, il y a quelques années, il y a eu un gros boom sur Kickstarter de jeux vidéo indé, et moi, j'étais à fond, j'en ai backé plein, et il y a la moitié qui sont pas arrivés au bout. Et bon, il y en a un que j'attends toujours, même si j'y crois pas trop, et l'autre où c'est carrément arrêté en hiatus. Bon, il y en a deux qui ont réussi et qui étaient vachement cool. Et donc, en fait, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait quand on est développeur indé pour éviter de tomber dans le piège de « j'arrive pas à finir mon jeu parce que plein de raisons ». Enfin, comment on fait pour finir son jeu, en fait ? Parce que ça a vraiment pas l'air si facile que ça. Alors, effectivement, ce n'est pas facile. Et je sais pas s'il y a une solution miracle. Mais un des trucs que j'ai voulu faire avec la chaîne YouTube, c'était rendre des comptes. C'est-à-dire que là, on m'attend plus ou moins au tournant. Je sors mes vidéos et si jamais, du jour au lendemain, je fais « oh, finalement, j'arrête !» Je pense que je vais avoir droit à des commentaires. Donc, je pense que le premier truc, c'est de savoir aussi se fixer des limites. Je pense qu'il y a plein de jeux qui ne savent pas s'arrêter. Qui veulent faire trop grand, trop vite. Il y a plein de gens qui se lancent dans un premier jeu beaucoup trop ambitieux, que ça soit techniquement ou en termes de longueur. Donc, je pense qu'il faut être capable de se dire, si on voit que ça prend trop de temps, on coupe. C'est dur à faire quand on est game designer, parce que couper, ça veut souvent dire enlever des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on aimerait vraiment voir dans le jeu. Mais il faut savoir rester réaliste et se dire ouais, si ça fait plus de 3 ans, il va peut-être falloir faire quelque chose. Enfin voilà, je pense pas qu'il y ait de solution miracle, mais pour finir son jeu aussi, c'est bien d'être entouré, d'avoir des gens qui nous soutiennent dans notre boulot et qui nous rassurent sur le fait que ce qu'on fait, c'est pas vain en fait. Des gens qui sont capables d'entretenir notre motivation, et c'est pour ça que travailler à deux, je trouve que c'est plus simple. Parce que finalement, on s'automotive et ça plus la communauté derrière. Après, on est dans un cas particulier, je pense, mais se fixer des objectifs réalistes, savoir couper et bien s'entourer, je pense que c'est un peu les clés pour sortir son jeu. Je sais pas si toi tu vois autre chose, mais bah si, complètement. Et ça me fait penser, enfin on a fait une game jam il y a pas longtemps du RIJV où ils mettaient un point d'honneur à ce que les gens se reposent et ne travaillent pas comme des forçats pendant deux jours. Et en fait, je pense que c'est peut-être un moyen de se dégoûter aussi, c'est de travailler nuit et jour, alors peut-être même de cumuler un travail de jour et de travailler la nuit sur son projet pendant X mois et de plus pouvoir le voir en peinture après, quoi. Donc nous, on a un rythme qui est correct, on est à deux, donc on arrive à souffler, on prend nos week-ends, voilà. Et finalement, on a réussi à garder la motivation en plus, et surtout, voilà, on a un regard extérieur, on veut donner notre jeu et pas décevoir les gens. Et ne pas non plus perdre complètement légitimité, voilà, parce que comme le dit Lola, si le jeu sort pas, entre guillemets, la chaîne perd toute crédibilité. Bonjour, merci pour la conférence. Il y a un point essentiel que vous avez à peine abordé juste avec la question là, c'est celui du financement. Donc en gros, il y a deux solutions, soit on bosse à côté et on fait son jeu en midnight model, comme on dit, c'est-à-dire la nuit. Soit on fait que ça, mais dans ce cas-là, on se finance comment ? Qu'est-ce que vous avez choisi et qu'est-ce que vous recommanderiez ? Pôle emploi. C'est une excellente solution. Ouais. Moi, bah, je pense même que c'est fait pour. Mais... C'est Pôle emploi a fait naître des tas de jeux, des tas de chaînes YouTube, des tas de trucs. Je pense qu'on a cette chance-là, c'est effectivement d'avoir accès à une sécurité pendant un certain temps. Moi, je sais que c'était ce que je m'étais dit au début. C'est bon, ok, là, je vais arrêter mon boulot, mais ça veut dire que j'aurai un an et quelques de chômage. Du coup, c'est mon investissement et je pars là-dessus pour faire le jeu. Après, en termes de financement, ça dépend aussi des jeux. Si jamais tu arrives à être assez rapide et que tu as un jeu qui est testable et que tu veux faire une early access avec un système de donation, tu peux le faire. Donc il y a des solutions. Après, effectivement, ça reste un statut précaire. Hein. Faut pas se voiler la face. Faire des jeux, ça demande beaucoup de temps, c'est très fatigant et c'est peu gratifiant en termes de salaire. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi en game design, font des missions à côté. Par exemple pour aider sur un projet ou organiser des ateliers où finalement ça va être rémunéré, mais ça demande d'être ultra flexible, c'est pas forcément l'idéal. Après nous, avec la chaîne, finalement moi j'ai un Tipeee qui fait que j'ai quand même des rentrées d'argent régulières. C'est pas énorme, ça fait pas le salaire, mais c'est déjà ça. Donc en cumulant le Tipeee plus l'émission un peu de temps en temps, et avant quand j'avais encore le chômage, Ça a permis de tenir, mais c'est pour ça que pour finir ces jeux, faut être réaliste aussi sur le temps et le budget. Si on voit qu'on a que un an d'allocation pour nous aider à faire le jeu, bah, ça serait bien de penser à un truc pas trop gros en termes de développement, sinon c'est intenable, quoi. Sinon, c'est sorti, Propaganda, on peut le trouver où? Non, Propaganda n'est pas encore sorti. On a sorti une vidéo le week-end dernier où on présente la démo la plus récente. Donc vous pourrez aller la voir et la télécharger et nous faire un rapport de bug après, parce que on a appris beaucoup de choses. On en a découvert des magnifiques. Et je disais, ouais, donc quand vous réfléchissez à la viabilité de votre projet, de tout laisser tomber pour peut-être faire du développement, il faut se dire, donc voilà, le chômage, ça dure un temps. Après, ça va passer en RSA, donc il faudra quand même peut-être se serrer la ceinture. Ça dépend, il faudra peut-être avoir un loyer, enfin réfléchir à avoir un loyer modéré quand même. Mais bon, c'est possible en se serrant la ceinture, quoi. Enfin, faut être prêt à manger un peu de pâte. Bon, nous, on aime ça, donc ça va. Mais... Alors du coup, je voudrais juste demander un petit complément, et là, ça sera sur la monétisation du jeu. Là, c'est juste parce que j'ai bien aimé la vidéo sur ce sujet-là. Et quel sera, si c'est définitif, le type de monétisation du jeu une fois qu'il sera terminé ? Alors nous, le type de monétisation qu'on a choisi, c'est de distribuer le jeu gratuitement, mais de faire un système de dons pour soutenir le jeu, sachant que ça prendrait la forme d'un DLC un petit peu déguisé. En gros, voilà, le jeu est complet, entièrement gratuitement. Et si vous voulez soutenir, vous pouvez prendre un petit DLC à 10€ avec voilà, des artworks, des musiques, des petits bonus, des fonds d'écran. Tout simplement parce que quand on est indépendant et surtout avec un premier jeu, la visibilité, c'est hyper important, parce que il y a rien de pire que de sortir un jeu qui ne sera jamais joué. Donc nous, en plus, ça correspond à la philosophie de la chaîne, c'est qu'on a envie de partager le plus possible et qu'un maximum de gens puissent jouer à notre jeu, même en étant en situation précaire. J'ai pas trop envie de hiérarchiser les joueurs. Après, ça marche pas pour tous les jeux, et nous, je pense qu'on a un cas où, voilà, où ça fonctionne. Mais je me dis, s'il est gratuit, potentiellement, il sera beaucoup plus joué, beaucoup plus partagé. Et très souvent, quand on fait un jeu gratuitement, les gens sont plus indulgents et ont tendance à vouloir soutenir pour aider les studios. Donc, pour nous, ça nous semble être un modèle économique qui fonctionne par rapport à ce qu'on a et qui reste plutôt fidèle à ce qu'on a envie de transmettre, quoi. Bonjour, j'aurais deux questions. La première, c'est comment s'organise un peu la journée de travail autour de Propaganda ? Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien ? Et la deuxième, c'est peut-être un peu tôt, mais si vous deviez refaire le projet, est-ce que vous feriez les mêmes choix ? Alors, deux bonnes questions. Pour ce qui est de la journée de travail, en théorie, normalement, je suis censée me lever pas trop tard et me faire une journée relativement classique qu'on pourrait trouver de bureau. Allez, on va dire, je vais faire du 10h, 18h, un truc dans le genre. Après, je m'accommode un peu de... Je suis pas très du matin, donc voilà. Dans les faits, ça marchait très bien au tout début. J'ai tenu assez longtemps comme ça. Mais sur le long terme, la volonté est un peu rude. Ce qui fait que je travaille peut-être pas autant d'heures par jour qu'au début. Mais on tient à cœur de garder un rythme régulier. Du lundi au vendredi, on travaille. On est vraiment en mode travail. Mais le week-end, on passe à autre chose. Donc après, la journée de travail en elle-même, ça varie, hein, puisqu'il va y avoir des tâches très variées. Parfois, ça va être... va falloir que je m'occupe du graphisme. Parfois, va falloir que je fasse du test. Donc la journée type, elle n'existe pas réellement. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais... Bah, on n'a pas de méthodologie très tranchée, de fait que c'est la première fois qu'on se lance là-dedans. On n'est pas des chefs de projet, ni toi ni moi. On a essayé de structurer ça, pas au jour le jour, mais plutôt à la semaine, où le lundi matin, on prend un café dehors et on amène le PC avec le jeu et on fait la liste de tout ce qu'on veut faire cette semaine. Alors parfois, donc ça va être une semaine entièrement consacrée à une vidéo YouTube, mais parfois c'est au développement du jeu. C'est comme ça qu'on avance, c'est très très roots, et c'est aussi pour ça que je veux faire un an d'études en plus pour apprendre des méthodes plus rigoureuses, mais bon, après, c'est indé pure souche, quoi. Et pour la deuxième question, c'était si on devait refaire le projet, est-ce qu'on ferait les choses différemment ? Je pense que si je devais refaire, je ferais peut-être un truc un peu moins ambitieux. Là, ouais, voilà, à chaque fois c'est la même chose, mais je me dis que c'était peut-être un peu gros comme projet pour un premier projet dans ces conditions de travail là. Après Propaganda, malgré tout, bon, on l'aime fort, voilà. Et on arrivera à le terminer, c'est juste que ça sera plus long que ce que j'avais estimé au tout début, c'est sûr. Mais sinon, je changerai pas grand-chose pour l'instant. Félicitations d'en être arrivé là. Merci. Je suis développeur aussi et je sais que c'est très difficile de se motiver à travailler pour soi tous les jours, de se lever même le matin. Donc bravo. J'ai une petite question, c'est lié aux situations où chacun donne son avis et où il faut trancher. Parce que par exemple dans le code, généralement il y a que les codeurs qui vont donner leur avis, mais quand ça va être les graphismes ou l'histoire ou quelque chose que tout le monde voit, c'est souvent très facile de donner son avis et très difficile finalement de trancher sur la direction à prendre. Donc, je voulais savoir quelle a été l'approche durant votre développement. Est-ce que vous avez eu des approches de décision tranchées, il a fallu forcer ou ça a été des compromis ? Alors, en fait, comme au tout début, j'étais seule et que game designer, c'est vraiment mon métier dans lequel je suis experte. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai fait en entreprise. Le game design, c'était un peu mon truc. Ce qui fait que normalement, en game design, c'est moi qui prends les décisions, même si avec Sam, voilà, je reste à l'écoute. Et de temps en temps, j'ai pu changer d'avis. On me rend compte qu'en testant, effectivement, certaines idées allaient mieux. Mais a priori, pour tout ce qui est du game design, c'est moi. Pour le code et la gestion du code, bah finalement c'est Sam qui s'en occupe, donc c'est toi qui prends la décision finale. En revanche, niveau scénario, c'est vrai que c'est plutôt toi qui t'en charge. J'ai donné quelques idées, mais finalement le scénar c'est toi. Donc en fait, je pense qu'on a réussi à bien catégoriser et de se dire, on a chacun notre truc, on peut donner des avis, mais il y aura toujours quelqu'un qui aura la décision finale sur ce truc-là. Enfin, je pense que tu le ressens comme ça aussi, mais... Oui, après, le scénario, il a été fini depuis longtemps, donc c'est vrai que... Mais sur toutes les autres questions, à part le code, moi, j'essaie un maximum de te laisser... En plus, c'est toi le visage du projet, c'est toi qui a lancé le projet, donc je te laisse choisir. Par exemple, je sais que ça m'est arrivé... Enfin, il y a une musique que j'aimais pas trop, mais finalement, toi, tu l'aimes bien, donc on la garde, il n'y a aucun souci. Enfin, voilà, c'est ton projet. Je suis juste un collègue. Non, mais je veux dire, voilà, c'est... Ça me paraît normal de te laisser la paternité du projet. Maternité. Parentalité. Oui, j'avais... sinon, un dernier point. Est-ce que oui. Vous aviez, justement, une fois fait appel à la communauté pour trancher ou... Non, rarement. Jamais. Souvent, ils me donnent des idées. Il y en a des fois des bonnes, souvent des moins bonnes. Mais... Parfois, ça, c'est un bon indicateur pour du level design, la difficulté, quand je me rends compte qu'il y a des passages qui passent pas. Mais non, souvent, ça reste quand même nous qui prenons les décisions. Même si on n'est jamais compte des retours, on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Bah, si on voit qu'il y a des retours similaires qui se multiplient, on prend clairement en compte. Et enfin, là, je vois, vous voyez en haut à droite, V03. Ça, c'était l'idée de quelqu'un qui nous a... Parce qu'en fait, ceux qui avaient testé les anciennes démos, quand ils testaient les nouvelles démos, il y avait plein de bugs parce qu'ils gardaient des anciens fichiers des vieilles démos et ça rentrait en conflit. Et il y a quelqu'un qui a dit « Ah, mais pourquoi vous faites pas du versionning ?» C'est-à-dire que vous détectez d'abord si c'est bien la bonne version et après vous avisez. Et j'ai dit « Bah oui, c'est vrai qu'on aurait dû faire ça. » Donc bon, bah parfois, quand il y a des bonnes idées, on prend direct, quoi. Déjà, merci beaucoup à tous les deux d'être venus discuter de votre projet. Merci à toi. Et puis, bon Stonefest, merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était donc Fanny, bien évidemment, que vous aurez reconnu, qui animait cette rencontre avec Lola Guildou, la développeuse du dimanche, à propos du jeu Propaganda, jeu que vous pouvez retrouver donc sur le site itch.io. Nous invitons à aller le découvrir. Et puis, en attendant, vous avez 15 jours pour l'essayer avant qu'on se retrouve pour un épisode de fin de saison. Au revoir.